Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Armen, breaker de la première heure au Trocadéro et au Terrain Vague. Il est un des parfaits exemples de l'ADN de ce livre et pourquoi nous avions envie de faire ce livre. Évolution sociale entre le lien du terrain, clairement, jusqu'à nos jours, les contacts que tu as gardés et le lien direct artistique et qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un lien dans ta vie professionnelle jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont carrément changé de vie, hein, faut bien le dire. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça a été une force et qui mettent en avant ça, sinon ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Bah, ça a été un tremplin pour plein de personnes parce que tu vois, là, on parlait juste avant d'Irus. Laurent, c'est un très grand réalisateur. Il a fait l'école des arts déco et tous ces trucs-là. Donc après, eux, c'est particulier parce que c'est la première vague des mecs qui faisaient du graffiti au terrain, tu vois. Mais ils s'étaient déjà prédestinés à faire un truc dans l'art, par exemple, tu vois. Mais moi, je savais même pas ce que j'allais être à l'époque. Moi, j'étais breaker, je faisais un peu de graffiti, mais pas tant que ça. Mais par contre, j'ai vite réalisé que la photo, c'était un médium qui allait immortaliser l'histoire. Sauf que moi, j'en faisais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça. Même Donc par moi, je... passion comme ça, vite fait, t'avais même pas un petit jetable, les trucs Non, Rico, il y parce avait que moi, rien. je suis arrivé au Terrain Vague pratiquement au moment où il a été découvert. Donc c'est fin 84, début 85. Et j'ai arrêté de fréquenter le terrain en 88. Et j'ai commencé la photo en 91. Ah ouais, d'accord, ok. Alors Donc, du coup, si je me positionne en journaliste de pacotille, qu'est-ce qui te fait tomber dans la taupe du coup en 91? C'est quoi le déclencheur? BMX. Le Le BMX. En fait, si Ah, tu c'est le veux, BMX, moi, je découvre le BMX et le hip-hop en même temps en 82. À ce moment-là, j'ai un pote de mon ancienne école qui m'emmène à la Grange Aubel, où il y a le fameux New York City Rap Tour. Et en fait, moi, ce que je retiens de ça, c'est les breakers, c'est les Rocksteady Crew. D'ailleurs, j'y vais pour les voir danser. Je me fais pas attention à la musique, je fais pas attention à Ramelzi, à Futura, à tous ces gars-là. Ça va, je vais le comprendre bien plus tard. Mais en même temps, en 82-83, j'ai un pote dans ma classe qui me ramène ce fameux numéro de moto verte que t'as mis dans le livre. Et c'est comme ça que je le suis dans le bois de Vincennes et que je vois que le mec, il a un BMX, il avait un Raleigh Ultra Burner, si je dis pas mes bêtises. Et en fait, je kiffe, tu vois. Et donc, je me mets à faire du BMX pratiquement à la même époque que d'être breaker et graffiti artiste. Et si tu veux, en gros, moi, ce qui m'intéressait, au fur et à mesure, on allait à Opéra dans une boutique qui s'appelait Brentanos. Et on a acheté et les magazines de BMX, qui étaient BMX Plus et le Freestyling à l'époque, ou enfin BMX Action, ou les magazines de hip-hop, qui étaient The Source et tous ces trucs-là. Bah, je te parle, c'était bien après. Hein, Ouais, un peu après, ouais. c'était 87 déjà, mais déjà au début, nous, on hallucinait, tu vois. Il y avait une boutique, c'était pas Brentano, c'était l'autre, c'était celle Je qui était devais aller près loin. des trucs, où il y avait déjà les BMX Plus et le magazine anglais. Et donc, Ouais, si de tu toute veux, façon, j'avais t'es capté, opéra moi, parce que les librairies internationales et nationales, japonaises, elles elles étaient étaient par là-bas. là. Tout Et était en fait, là. si tu veux, moi, j'avais capté très vite que le support photo, c'était ce qui m'attirait le plus, tu vois. Mais c'était pas du tout traduit à ce moment-là. J'étais trop jeune. Moi, j'étais trop dans ma passion de vivre les deux cultures à fond, tu vois, le mouvement et puis tout ça. Et donc, du coup, personne savait ce que j'allais devenir à ce moment-là. J'essayais de faire une école d'art, faire un bac F12. Parce que je voulais faire des animations, en fait. Le truc qui me branchait, en fait, j'avais été très passionné par le film de Dark Crystal de Jim Henson. Et en fait, moi, je voulais essayer de faire ça. Je savais pas ce que je voulais faire. C'était ou faire éventuellement des slogans publicitaires. Je te dis très vaguement ce que j'avais en tête. Les sensations de l'époque. Ou faire de l'animation. Mais et puis une autre réalité, c'est qu'on vit dans les années 80, on vit dans les années où on se mange avec 10 ans de retard toutes les cultures américaines, californiennes et autres, tu vois, et new-yorkaises pour ce qui est du hip-hop et du graffiti et tout ça. Et qu'en fait, nous, on est des enfants qui absorbons comme des éponges toutes ces cultures-là, donc elles nous parlent très vite. Et puis socialement, on est dans un truc où on est après le tout pas mon pote, le SOS racisme, qui sont des choses qui n'ont pas du tout marché, tu vois. On Ouais, est ça n'a pas fait pratiquement du tous tout le des lien. on est tous des enfants d'immigrés qui se réunissons pour une passion commune qui est le hip-hop. Là, je te saute des étapes, mais en gros c'est ça. Il y a quand même un mouvement dans lequel on se reflète pas du tout, que sont les punks puis les skinheads, tu vois. Et au final, on se rend compte que à travers le hip-hop, on est beaucoup plus que ce qu'on pense déjà. Bon, après c'est c'est un microcosme sur Paris, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mecs en banlieue. De toute façon, début du hip-hop, c'est 83-84. Le terrain vague, ça arrive que pour des privilégiés, tu vois. Avant ça, t'as la salle Paco Rabanne. Avant ça, t'as la Grange Aubel les dimanches après-midi. T'as C'est super pointu, hein. Ouais. t'as les Zoulou parties qui sont les fêtes et forts, dont une au Franc-Moisin à Saint-Denis. Il y en a une autre à Fort d'Aubervilliers et une troisième, je sais plus où elle était. Et ça, tout ça, c'est un peu avant le terrain vague, en vérité, tu vois. Donc le Ah, et mouvement, un il peu avant existe. Chipper à choper, qui est un moment Non, c'est après. ah, c'est après, Tout ça, c'est d'accord. ouais, tout ça, c'est après, en vérité. C'est l'après du HIPHOP. D'accord, ok. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je crois qu'aucun de nous ne sait vraiment ce qu'on va devenir, à moins d'être un fils qui vient d'une famille particulière, comme ben, Squat et Vincent Cassel, tu vois, qui étaient déjà bien, qui savaient vraiment eux ce qu'ils allaient, entre guillemets, ce qu'ils allaient. Ils avaient accès à autre chose parce que déjà ils avaient grandi à New York et leur mère vivait à New York, leur père vivait à Paris, donc ils faisaient déjà cet aller-retour, ils avaient rencontré Bando, il y avait déjà une espèce de clique de privilégiés entre guillemets, tu vois. Mais nous. Ces voyages-là, à cette époque, moi, j'ai eu de la chance, c'est en 87, et j'avais déjà avoir l'impression d'être un privilégié d'aller aux États-Unis à cette époque-là. Alors, j'imagine pas à Moi, l'époque où c'était tu un dis, rêve. c'était un truc de fou de prendre Je suis l'avion et allé de faire, à New c'est York la dingue. première fois en 91, tu vois. Ouais, bah, tu vois, j'y suis Donc, retourné pour acheter des disques. Moi, c'est mon passé électro. À partir de 91, je vais être que dans l'électronique avec la ouais. house et tout ça. Et je vais aller à New York chez Dance Trax. D'ailleurs, j'ai encore mon badge d'origine de Dance Trax du magasin, et j'allais tout seul avec mon anglais à 2 balles acheter les disques, et je ramenais mes bacs et tout. C'était déjà dingue, mais en 87 j'avais fait ce voyage, et ça me paraissait fou si j'avais pas eu la famille, des amis de la résidence qui m'avaient invité un été. C'était pas possible. Alors j'imagine les années où tu parles, c'est forcément des gens d'un autre monde, souvent artistique. C'est grâce à des mecs comme ça que la culture a fait un petit peu le saut de Oui, l'océan, hein, quand même, nous hein. on s'en rendait pas compte au début parce qu'on était gêné par son attitude, donc on Ouais. s'en rendait pas tout. On s'en rend compte aujourd'hui parce qu'on voit ce que ça a laissé, tu vois. Mais en vérité, sur le moment, moi je me souviens, Bando, pour moi c'est, il arrive au terrain vague, il faisait ses graffitis. Bon, effectivement, on était assez impressionné par son style déjà de l'époque. Bon, après on a vite compris qu'il était qui pompait les lettrages de Signe ou de Dondi, tu vois. Et déjà, ce qu'il apportait à l'époque, c'était énorme parce que nous, on C'était découvrait le génial. graffiti à travers ce que lui faisait ou à travers ce que les BBC faisaient, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas de livre avant. Il n'y avait pas encore Subway Art à ce moment-là. Donc, pour nous, c'était un martien. Mais par contre, ce qu'on n'aimait pas, c'était son attitude parce que lui, il entendait 3-4 New Yorkais dire, parce que c'était très violent le graffiti à New York, tu vois. Donc, si tu tenais un graffiti, ça faisait des histoires de ouf. Les mecs se tiraient dessus pour ça et tout. Mais en réalité, tout ça c'est bien. C'est un bon épisode aussi, quoi, tu vois, parce que ça nous a. Qu'est-ce que ça nous a appris, cette école-là? C'est l'école de la vie, en vérité. C'est de savoir les différences sociales, les gens qui ont eu accès à des choses plus rapidement que les autres, ceux qui ont dû se battre pour réussir et tous ces trucs-là. Donc, c'est intéressant en soi. C'est pas une critique, Alors ça, c'est. justement, toi qui es vachement là-dedans, j'ai regardé vachement d'autres interviews de toi et tout, et que j'ai kiffé. Et il y a un truc vraiment que je veux développer avec toi. Là, tu viens de me faire un petit retour sur une idée. Et moi, les premières heures du graffiti, j'ai l'impression, parce qu'on parle de mouvement social et que bah, Bando, il avait d'autres moyens financiers par rapport à vous, par rapport à d'autres mecs. Donc du coup, on peut se dire que socialement, le graffiti, il mélange tout le monde. Alors que quand même, au début, il n'y a pas vraiment de mélange, c'est quand même des Non, gens qui ont zé. Y a rien. le hip-hop mélange tout le monde, pas le graffiti, c'est pas vrai. Le hip-hop, oui, Voilà. parce que le hip-hop, ça a été un mouvement qui a été fait pour mélanger les gens, pour donner sa chance à tout le monde de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Le hip-hop a inclus le graffiti, mais le graffiti a existé avant le hip-hop, et le graffiti n'était pas un mouvement fait par des mecs qui venaient du hip-hop, mais par contre, des mecs issus d'un même milieu social. Mais à la Ah, c'est base, ça. le tag, tu vois, le tag, ça existe depuis les années 60. Le graffiti tel que nous on l'a connu, c'était des mecs revendiquaient tous ces trucs sur la guerre au Vietnam, par exemple, tu vois. Sur les blousons, sur les vestes, il y avait déjà les vestes avec les slogans et tout, quoi. Tu vois, donc Et les il y gangs a eu sont arrivés après, ouais. plein de mouvements différents, mais effectivement, il y a eu ce graffiti, ce style de graffiti qui est celui que moi j'aime, par exemple, qui est forcément lié au hip-hop parce que c'est lié à la même période socialement que l'explosion du hip-hop qui est au milieu des années 70, tu vois. Question qui est super précise et qui est vachement manichéenne. Est-ce que tu trouves que les premières heures du graffiti, hein, ont justement cette brutalité et cette contrainte d'avoir zéro moyen, qu'il soit technique et matériel, qui donne cette force quand maintenant, avec tous les livres qui sont publiés, moi j'ai toujours un retour old school, alors c'est peut-être dû à mon âge, tu vois, mais je me dis toujours, on a beau aujourd'hui faire des bombes incroyables, des graphes et tout, mais il n'y a rien qui transpire autant quasiment que la première heure parce que ils avaient pas de repères, ils créaient les choses et même si la technique était pas forcément là et tout, je trouve que c'est quasiment irremplaçable sur la contrainte. Est-ce que toi tu trouves que ça vient de la contrainte parce que les mecs avaient rien et on dit souvent dans les métiers, même dans la réalisation et tout, que c'est pas ton outil qui va te faire avancer, c'est d'abord ce que tu as à dire avec la contrainte. Moi, je pense pas. En fait, le truc, c'est la magie de l'avoir vécu à la bonne époque qui fait qu'on lui accorde plus d'importance. Mais il y a deux choses. C'est l'évolution de la technique. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis un b-boy de la première école. Quand je vois les mecs danser aujourd'hui, il y a des enfants de 10 ans, mais ils me mettent à l'amende 50 fois sur le meilleur niveau que j'ai eu à cette époque-là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Ouais, ça, j'ai c'est vu. l'évolution. Il faut savoir vivre avec sa société. Quand tu me parles d'évolution technique des bombes, ben, ça aurait été génial à notre époque. La seule différence, c'est qu'à notre époque, les bombes, fallait les voler parce que ça faisait partie de la comment t'expliquer? Tu pouvais pas te prétendre graffiti artiste et acheter tes bombes. C'était impossible. Je Et me les bombes, souviens. fallait les voler. Aujourd'hui, tu peux acheter tes bombes, personne s'en fout, personne ne va te juger pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un peu la seule différence qu'il y a. Mais je pense que techniquement, la violence, c'était que déjà, il fallait tout faire en vandale. Même si à Paris, ça n'existait pas, mais tu vois, quand tu vas à New York faire du graffiti sur des trains, c'était un risque énorme. Il y a peu de Français qui l'ont pris, ce risque-là. Il y en a trois ou quatre à l'époque, dans les années 80, tu vois. Et comme les trains sortaient pas, bah, ils ont arrêté de les faire. Mais par contre, en Guetta, Paris, ça a été ravagé autant que New York, c'est la réalité, tu vois. Mais, et puis d'ailleurs, tu regardes aujourd'hui, regarde, tu me parles de violence, regarde les métros à Paris aujourd'hui, c'est refait, c'est repeint de graffiti, comme dans les années, mais c'est génial. 90, ouais. C'est assez dingue. Et La ligne 12, je suis passé devant et chaque fois c'était défoncé, j'étais j'hallucinais. le risque, il est repris aujourd'hui. Donc il y a une réalité, c'est que il y a une évolution technique, mais il y a aussi un cercle, tu sais, ça revient, un cycle, ça revient toujours, tu vois, même à un moment quand le graffiti avait super évolué, les mecs, ce qu'ils s'amusaient à faire, c'était reprendre les graffitis de l'époque, du tout début, c'est-à-dire avant que nous-mêmes on le connaisse, pour voir le style, essayer d'adapter le style des années 70 à au style des années 2000. Et donc, je pense que non, au contraire, faut se servir de ça. Nous, on l'a vécu, donc ça a une importance plus forte à nos yeux. Mais je pense que pour des mecs qui découvrent le graffiti aujourd'hui, ils feront leurs recherches et ils vont adapter des styles en fonction de tout ce qui s'est déjà fait. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu peux acheter tes bombes et personne ne va te juger. Tu seras quand même un graffiti artiste. Alors qu'à notre époque, il fallait être un vandale. Donc, quand on Ouais. dit vandale, c'était même un writer's vandale. C'est-à-dire, quand tu faisais du graffiti, les palissades du Louvre, on nous laissait peindre dessus plus ou moins, mais il y a des mecs qui se sont fait arrêter aux palissades du Louvre. Tu vois, le terrain vague, pourquoi c'est un endroit mythique? Mais c'était pas permis de peindre au terrain vague. Mais au final, Et d'ailleurs, ils ont. Jay là-dessus, il dit des trucs intéressants. Il me dit finalement, moi j'étais un peintre de terrain et je Ouais. faisais pas de vandale. Il me dit, je faisais du terrain, je savais un peu dessiner. Il est vachement humble avec ça, avec cette philosophie. Il faisait du graffiti d'ailleurs très new-yorkais dans un autre style de bandeau, encore une petite variante qu'on adorait. C'était deux écoles différentes, mais qui viennent finalement un peu quand même de la même ville. Mais il te dit, lui, j'ai fait que des terrains avec cet art. Je lui dis, bah pareil, Lokis, j'ai des histoires. Colt m'a raconté des trucs. Bon, il y a eu des tentatives, mais apparemment c'était des tentatives furtives et tout le monde était quand même à prendre pas de risques et à faire des trucs plutôt tranquilles et tout. Ça c'était une particularité des BBC qui finalement pas fait de vandale, mais ont pas été jugés pour autant comme des mecs qui étaient pas du mouvement. C'est ça qui est génial. C'est pas que ça, c'est que je pense qu'effectivement, ils ont pas fait des trucs vandales, mais malgré tout, les endroits où ils peignaient, c'était pas des endroits autorisés. Mais c'était pas du vandalisme dans le sens, ils allaient pas dans la rue pour aller guetta, ou ils faisaient pas des graffs sur des endroits où, ils faisaient pas dans des murs, tu vois, Bando, quand il peint les quais, ça c'est du vandal. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est les quais de Paris, parce que tu peux les voir, il y a un côté, je veux être vu. Eux, les BBC, leur truc, c'était technique, c'était une prouesse. Pourquoi on dit que c'est quand même les parrains du graffiti de l'Europe, plus que Bando? C'est parce que quand les BBC vont en Allemagne ou quand ils vont en Italie, le style le plus pompé, c'est le leur, c'est pas le style de Bando. Même si tout le monde reconnaît que Bando, c'est un mec qui a influencé le graffiti en France, par exemple, plus qu'en Europe. Ouais, non, parce que les Allemands, pour le coup, j'y connais bien, parce qu'avec les biais, j'allais en Allemagne et tout, ils avaient déjà leur influence et tout, et Bando n'a pas, ça s'est mixé, mais c'était pas un truc si fort que ça. Quand tu vois quand Jay part à Berlin et qu'il se met à peindre Ouais. les Kid et tout là-bas, tu vois comment les mecs derrière, ils ont pompé leur style, c'est abusé, quoi, tu vois. Ouais, Le là, seul il... mec qui a son style à ce moment-là, c'est Delta, tu vois, ou Bates, tu vois, mais les autres, pas vraiment, tu vois. Et tu sens vraiment que les mecs, ils pompent le style de Jay de ouf, les persos. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore très hip-hop en Allemagne. Et pour les Merde, persos de Jay. je fais des jams et t'as l'impression d'être à New York, les mecs, ils sont à fond, quoi. Sur les jams, c'est énorme, C'est quoi. ça le Vraiment, il y truc, a tu des gros vois. Et trucs. donc du coup, bon, ben voilà, ça reproduit. Mais par contre, sur le parcours social de pas mal de gens, c'est marrant, tu vois, de voir ce qu'est-ce que sont. Tu vois, Loki, c'est un artiste contemporain. Ça a Ouais. dépassé le stade du graffiti. Il est Ah ouais. sculpteur, il fait plein de trucs. Jay, pareil. Ski, pareil. Sao, aujourd'hui, H, tu vois ce qu'il fait sur les murs, c'est du Mortel. graffiti. C'est du graffiti dans le sens où c'est fait sur des murs, puisque ça c'est un peu la définition entre guillemets. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec. Ça découle pas du graffiti. C'est-à-dire son influence sur le terrain vague, elle n'influe pas dans. La seule truc en quoi elle influe, c'est son évolution sociale et artistique. Artistique. Tu Alors vois justement, ce que toi je veux dire? là-dessus, ouais, je vois carrément. Oui, d'ailleurs, on essaye toujours de. Un mec comme Alp, c'est un graffiti artiste de la première heure. Le mec, il finit par être quoi? Rédacteur en chef de magazine. Tu vois, créer des magazines, être rédacteur en chef. Il fait du stylisme. Il a touché à plein de trucs qui sont hors ça. Mais son éducation sociale et culturelle à travers le hip-hop ont fait ce qu'il est devenu. Et moi, pareil, Et toi, vérité, tu c'est vois. pareil du coup, hein. Ben Tu oui, peux pas ben dire, oui. peux pas te dire que j'ai un lien artistique en faisant ce que je faisais au terrain, qui était plutôt de la danse et tout, et je me mets à prendre des photos et que ça va influer Bah, mon travail. si, C'est pas parce que ça. le lien artistique, je l'ai de mes parents. Ma mère a fait les arts déco. Mon père était chorégraphe. Il avait un ballet de danse folklorique Ah russe. ouais, quand même, ouais. Donc ouais, y a un passif quand même. Une verve artistique qui a toujours été en moi. Après, le truc, c'est que mes parents, c'était pas non plus. Je peux pas comparer la vie artistique de mes parents à celle d'un squat, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on n'avait pas du. Et puis surtout, je connais pas l'histoire de la famille de Jean-Pierre Cassel, mais moi, je connais l'histoire de ma famille. Tu vois, nous, on est quand même des gens qui ont vécu la guerre. Mon père, il est en Syrie. Il a grandi au Liban jusqu'à l'âge de ses 18 ans. Ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale. La guerre au Liban, il l'a faite. Tu vois, ma famille, ils ont fait la guerre. Donc, nous, quand ils viennent ici, oui, mon père est danseur, mais en vérité, derrière ça, il y a tout un autre bagage culturel et social et historique qui fait partie aussi de mon éducation, tu vois. Et quand on est en France, on est des émigrés. On n'est pas des Français. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien Donc, nous, sûr, on est rangés dans cette case-là. Donc, c'est peu importe, si tu veux, la verve artistique, effectivement, je l'ai, parce que ma mère est française et tout ça, et je pense pas que je serais devenu ce que je suis devenu aujourd'hui s'il n'y avait pas eu leur éducation, clairement, tu vois. ouais. Mais Ouais, toujours c'est vraiment est-il un mix de tout. qu'il y a une différence sociale entre la manière dont moi j'ai grandi, le milieu que j'ai fréquenté et certaines personnes qui fréquentaient ce milieu. Tout le monde n'avait pas accès, on n'avait pas la facilité de devenir ce qu'on a fini en se battant par devenir. Moi, je savais pas que j'allais devenir un photographe comme ça, tu vois. Où je le faisais. En fait, mon truc, c'est que moi, j'ai toujours tout fait par passion. Donc, je regardais pas les à côté. Je fonçais. Tu Ben comprends ce ça, que c'est je une veux dire? similitude qu'on retrouve vachement dans les années 80, dans les ados, quoi. On était tous à peu près, je sais pas quel âge tu as, j'imagine un peu plus de J'ai 50. 53 ans, moi. Ouais, j'ai 52. Et dans tous les potes que j'ai interviewés ou les artistes comme toi, on retrouve ce mot de la passion des années 80. On sent vraiment qu'à cette époque-là, on s'accapare quelque chose et coûte que coûte, on est à fond. T'as un Mais truc, comme je t'ai dit, on était des éponges, on en avait marre, des... on voulait pas être des cyclistes. Moi, je n'aimais pas le Ah, football, la génération Mitterrand, ça nous a pas marqué, nous. Ça pas dans le bon sens. On a lutté contre ça. ouais, parce qu'en fait, c'était aussi des faux idéaux, tout ça. Déjà, Ouais. tout le monde a cru que Mitterrand, ça allait être, c'était un des premiers présidents socialistes, les choses allaient changer, tout, alors qu'en fait, tout a été pire, tu vois. Non, non, non, tout à Et fait. mais malgré tout, je pense que si ça vient de la culture. Tu vois, quand nous, on voit E.T., Le film, il est génial, mais en fait, ce qu'on retient d'E.T., c'est la scène de BMX à la De fin, tu vois. BMX, ouais, avec Bob Barrow et tout. Par exemple, mais on ne sait pas que c'est Bob Arrow à ce moment-là. Non, Enfin, tu vois ce pas que je du veux tout. dire? Je l'ai su bien longtemps après, ouais. Quand moi, je vois Flashdance avec mes parents, je me rends compte que les mecs qui font le passage, tu vois, Crazy Legs, Frosty Freeze et Mr. Freeze dans Flashdance, c'est les mecs que j'avais vus à la Grange Obel, sans même comprendre ce que j'avais vu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout ça laisse des traces. Et nous, on voit ça, on est des éponges. En plus, on veut ça. Culturellement, on veut. Les films des années 80, c'est des films cultes. Donc, Retour vers le futur, je peux t'en citer, mais des milliards, tu vois. Mais qui vont marquer un peu notre ascension culturelle et sociale. Donc, Passions qui sont le liées. hip-hop en fait partie. J'ai appris l'anglais, pourquoi? Bon, pour comprendre ce que les mecs disaient dans le rap, parce que pour pouvoir traduire ce qui était dit dans les magazines de BMX en anglais. Et tous ces trucs-là. Donc, en réalité, tu peux ne pas être bon à l'école, mais si tu fais un effort, tu finis par apprendre quelque chose. Quelque Tu vois ce que je chose. veux dire? Les premiers voyages que j'ai faits, parce que nous, on n'avait pas d'argent pour aller aux États-Unis, on allait à Londres, parce que ça coûtait beaucoup moins cher, Ouais. tu vois. Et moi Et aussi, j'ai fait les premiers trucs. Ouais. tu vois, c'est là où c'est marrant, parce que tu vois, sur ces photos-là, les photos que tu m'as montrées, on est tous avec des pumas andins. Les pumas andins, ils n'existaient pas en France. Il n'y en avait pas. Et en fait, c'est des pumas qu'on ramenait de Londres. Et il n'y avait que deux couleurs. Et c'est marrant parce que tu regardes les mecs ce qu'ils ont au pied, c'est les seules couleurs que tu pouvais acheter aux États à Londres. C'était les bordeaux et les bleus turquoise. Ouais, je me souviens aussi, ouais. Tu vois, Je crois donc que les premiers voyages, tout ouais. ça c'est lié. Tout ça c'est lié, tu vois, à des trucs marrants parce que c'était des trucs, mais c'est des trucs de passionnés en vérité. C'est nous, on allait à la quête parce qu'on n'avait tellement rien. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de magazine. On voyait pas, on savait pas ce qui se passait. Tu vois. Si t'écoutes la majorité des interviews des graffiti artistes, tout le monde va te dire, il y avait ce fameux livre d'histoire géo dans lequel il y avait la photo d'un train avec un graffiti dessus, et tout le monde a découvert le graffiti comme ça. Parce qu'on était tous allés à l'école et tous eu le même livre d'histoire. Ouais, la dictature. Donc au final, tu vois, l'ascension culturelle, il y a beaucoup de mecs du hip-hop qui sont devenus des junkies, qui ont fini en prison, qui sont morts, pour qui la vie n'a pas été drôle aussi, quoi. Non, Tu vois? ouais. J'en ai rencontré qui n'ont même pas voulu discuter parce que pas des bonnes années. Et Donc, pourtant, Dieu sait que ouais. c'est des années qui les ont peut-être sauvés aussi, d'être Moi, j'ai de... l'impression que ça, c'était un vrai tremplin. Ces passions-là, c'était ce qui permettait de ne pas retomber comme ça, plein. C'est Dans les ça. années Et puis tu sais, 70, surtout en on banlieue, était où quand même hyper l'héroïne était naïf. super présente, tu vois. Il Bah, bien sûr, n'y avait pas la coke, mais l'héros était là. c'était la génération dessus de nous. Sauf que nous, Ouais. l'héroïne, la coke, quand tu prenais ça, t'étais un schlag, t'étais un toxico. Aujourd'hui, tout le monde prend de la coke. Comme s'il fumait un joint. Et pour nous, à notre époque, c'était, nous, on te courait après pour des trucs comme ça.